il lui est obligatoire de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses. Ne peut adorer une chose qui ne crée pas, qui n'apporte aucun bien, qui ne gère pas ce monde. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ma'koul. Il ne peut adorer ce qui n'a de contrôle sur la création. Dans le contrôle absolu, mutlaq, c'est-à-dire ce qui contrôle comme il veut, par ce qu'il veut et quand il veut. Ça, ça ne vient que Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre. Donc si Allah, tu reconnais cela de lui, et cela fait partie également de ses attributs. Ça rentre dans l'arububiyya, dans l'asma wa sifat. Donc tu es obligé de le reconnaître. Tu ne peux différencier entre eux. Ce n'est pas possible. Même ta raison t'en empêche. Ta raison t'en empêche. On l'a pris dans le sous à la fin. Tu reconnais que Allah a tout créé. Sans lui, tu ne serais pas là. Sans lui, rien ne serait là. Et rien ne serait. Comment ce monde est agencé avec perfection, la défaillance, elle vient de nous, comme on l'a expliqué déjà. Elle vient de nous, elle vient pas de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété. Elle vient de nous, la défaillance. Ce monde est géré avec perfection. Et malgré cela, tu n'adores pas celui qui a créé ce monde. Tu vas adorer une chose qu'il a créée. On va dire, tu as perdu la raison. C'est pas ma'koul. Celui qui réfléchit à ça, c'est complètement incohérent. Tu dis, Allah, il a créé ça. Allah m'a créé. Allah m'a donné la vie. Allah me nourrit. Allah a créé la maison dans laquelle je vis. Allah a créé la ville dans laquelle se trouve ma maison. Allah a créé le pays dans lequel se trouve ma ville. Allah a créé la terre dans laquelle se trouve mon pays. Allah a créé l'univers dans lequel se trouve ma terre. Il est réel Zalika. Malgré cela, j'adore autre que lui. Non, tu dis qu'un majnoun pour agir comme ça. Ça, c'est la bêtise à l'état pur. Il n'y a pas acte plus stupide que celui-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comparé les kuffars à des bestiaux. Oulaïka kal an'am belhum adal. Ils sont comme les bestiaux, belles, ils sont pires que les bestiaux. Ils sont plus égarés que les bestiaux. Car l'animal sait ça. Et toi qui es là, qui, on va dire, invente et confectionne des appareils qui impressionnent les hommes, cette chose essentielle, tu ne l'as pas comprise. Tu es ce qu'il y a de plus stupide sur Terre. Tais-toi. Le mécréant. Quoi que tu aies inventé comme avion, quoi que tu aies inventé comme porte-avions, quoi que tu aies inventé comme satellite, quoi que tu aies inventé comme téléphone, comme ordinateur, comme voiture, comme ce que tu veux, tu reconnais pas cela, tu es plus bête qu'un âne. Et wallah, na'taqidu fi umuq qulubina. Dans notre cœur, on le croit clairement. Tu es plus stupide qu'un âne. Et cette stupidité va te coûter cher, yawm al-qiyam. Malheureusement. Comme qala ta'ala, wa yaqulu kafiru ya laytani kuntu turaba. Pendant que j'étais de la terre. Aujourd'hui, par exemple, tu vois des gens faire des associations pour s'occuper des droits des animaux, la SPA, tout ça. Il faut bien traiter le chien, le chat, le perroquet, le kangourou, le koala, le panda, la baleine bleue, la baleine à bosse, la baleine grise, la baleine, ce que tu veux. Détailler, si tu veux. Mais yawm al-qiyama, crois-moi bien que tu aurais préféré être un chien maltraité que ce que tu es actuellement là. Allah, aujourd'hui, tu vas être je ne sais qui, milliardaire, millionnaire, être les hommes de haut rang, comme vous pensez. Yawm al-qiyama, tu auras, si tu meurs là-dessus, tu souhaiteras avoir été ce chien lépreux ou galeux, frappé par son maître, mal nourri et abandonné dans la forêt pendant l'été. Tu diras, j'aurais aimé ce chien-là, aujourd'hui. Wallah. Si les gens savaient. Kama kulna, walakin, akthar al-nas, la ya'lamun. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que Allah, c'est celui qui octroie cette subsistance à ses serviteurs, qui fait descendre la pluie, qui donne la vie, qui donne la mort, qui contrôle la création, tout cela. Et malgré tout cela, eux, ils associent autre que lui dans l'adoration. Donc ça, c'est une croyance vraiment qui est corrompue. Ils croient au tawhid al-rububiyya, mais ils ne reconnaissent pas tawhid al-uluhiyya. Ils ne reconnaissent pas Tawhid al-Uluhiyya. Ou du moins, ils ne le reconnaissent pas comme Allah le veut. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'en adorant ces idoles, Ces gens-là vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont dire, nous on veut s'approcher d'Allah. C'est ça qu'on veut. Il dit, mais comment tu t'y prends là? C'est du shirk que tu es en train de faire. Les intermédiaires que tu as pris, et c'est vos intercesseurs que tu as pris, sera Allah dans son livre te dit que cela, il n'aime pas cela. C'est la pire des choses pour lui. Donc comment tu t'approches de quelqu'un par une chose qu'il déteste? Ce n'est pas marcoul. Demain, tu as une femme, c'est ton exemple, à l'échelle humaine. Tu aimes ta femme. Par exemple, elle n'aime pas le chocolat noir. Tu lui fais plaisir, tu lui emmènes plein de chocolat noir. Tiens. Tu dis, pourquoi tu emmènes ça? Dis, parce que je t'aime. Dis, j'aime pas le chocolat noir. Dis-moi, moi je t'aime, je veux que tu manges du chocolat noir. C'est pour t'aimer, je t'apporte cela. Elle va te détester. Elle va dire, tu me prends pour un imbécile. Tu dis que j'aime pas ça, pourquoi tu me ramènes plein à chaque fois? Tu ne crois pas ce que je te dis. Tu veux que je t'aime moi aussi? Ramène-moi ce que j'aime. Moi j'aime chocolat au lait, noisette, praliné, ainsi de suite. Toi tu ramènes du noir, je veux pas du noir, c'est amer, je n'aime pas ça. Et le lendemain tu reviens avec une grosse boîte de chocolat noir. S'il écrit pas sur toi, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc là c'est l'échelle humaine. Donc que dire dans le niveau d'adoration? Que tu fais une chose qu'Allah déteste, soi-disant pour te rapprocher de lui. On dit justement, ça c'est pas marcoul, c'est stupide de ta part. Wal'a'adhu billah. Quelqu'un qui vient, qui base sa da'wah sur Ar-Rububiyya, on dira tout ce que tu le dis, tu appelles une chose que même Quraysh savait. Mastafadna min kashay'an. Et tu lui dis, j'ai pas besoin de toi. J'ouvre les yeux, je vois le soleil. La nuit, je vois la lune. Je vois le ciel, je vois la terre, je vois les gens. Je vois mon propre corps comment il est. Et malgré mon corps, je connais pas tout ce qu'il y a dedans. Et malgré cela, le peu que je connais, ça m'impressionne. J'ai pas besoin de toi pour savoir que j'ai un créateur. Et si j'ai su que j'ai un créateur, que je sache pourquoi il m'a créé. Il m'a créé pour que je l'adore, j'ai pas à discuter. Et par contre, on dit là, c'est là que tu dois m'apporter profit. Comment je l'adore? Ah, mais à savoir que je dois l'adorer, ça? Ma fitra, ma nature première, elle m'y appelle. Et savoir que c'est lui qui a tout créé, tu m'as pas appris, je le sais. Barakallahu fik. Et malgré cela, dans le Coran, Allah vient avec plein de versets sur Rububiyya. Pourquoi? Pour appeler, interpeller les gens qui ne croient pas. Regarde ça. Regarde ce qu'il y a autour de toi. Tu n'es pas interpellé par cela. Si tu te dis oui, alhamdoulilah, aslim. Tu te dis non, sha'anouk. Le malak yama, tu rendras les comptes pour cela. C'est comme si, je ne sais pas, demain, tu as un délit qui était commis. Un délit qui était commis. Quelqu'un est dans un magasin, il a volé quelque chose, par exemple, devant tous les témoins. Des milliers de témoins. Même il a été filmé, on va dire. D'accord ? Il y a les traces de ses pieds, de sa basket, avec sa pointure, ses empreintes. Même son parfum, l'odeur, elle est encore là. Tout est là pour dire c'est lui qui a fait ça. Et à la fin, quelqu'un dit, oui, mais il n'est pas coupable. Tu dis, attends, t'as 10 témoins qui disent, il est rentré, il avait tel aspect, il avait tel vêtement, il avait telle voix. Tous sont unanimes. Regarde par terre les traces de ses chaussures. Regarde ses empreintes. Regarde même si ça aurait été permis la vidéo. Et même lui il te dit c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai volé, je reconnais. Après on te dit oui mais il faut des preuves. Je n'y crois pas que c'est lui. On va dire quoi de toi? Qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un comme ça? Le coupable lui-même dit c'est moi qui ai volé. Les témoins ils viennent, ils sont 1000. Ils disent tous deux, c'est lui qui a volé. La vidéo te montre, c'est lui. Les empreintes de ses chaussures, c'est lui. Les empreintes sur l'ordinateur et tout, ils te montrent ça, me regarde ma main, l'empreinte c'est la même. C'est lui. Tout t'amène à dire que c'est le coupable. Toi tu viens, tu dis, faut des preuves. Faut chercher. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux rien faire avec quelqu'un comme ça. C'est pour ça que il est pire qu'un animal. Plus stupide qu'un animal. Puisqu'il est docile et il n'a pas d'aql. Mais toi, on peut dire que tu es stupide, vraiment, pire que cet âne. Enfin, on peut comparer les mouches, les koufars à ça. Tout ça, on peut les comparer. Le koufr est le plus grand des péchés et la plus grande des stupidités. Et pourtant, ces gens-là sont les plus orgueilleux. On dit, t'es orgueilleux de quoi? C'est ce qui est le plus stupide sur Terre. même l'âne de mon voisin là qui est plus intelligent que toi. Et pourtant l'âne est l'animal qui est considéré comme étant le plus bête. À la base, l'âne il n'a pas d'âcle. Alors toi, que dire de toi? Ta mécréance de toi l'homme le plus stupide de la terre. Quoi que tu inventes, comme on l'a expliqué, que tu confectionnes, tu vaux rien. Tu vaux rien du tout. Wallahi billah. Et malgré cela, tu les vois. Ils se prennent pour je ne sais qui. Ya laytani kuntu turaba. Ya laytani kuntu turaba. Wallah, même à ça, tu vois, ça amène à la mukaddima que le mu'allif l'a dit au début. Remercie Allah du bienfait que nous a accordé, c'est l'islam. Wallah. Que parmi ces. Comme disait Cheikh Zayd il y a quelques jours, regarde sur toute la terre, le nombre d'êtres humains qu'il y a sur terre. D'accord? Parmi tous ces gens-là, Allah t'a élevé. Parmi eux, fais-toi un serviteur. Anil al-Ubudiyya al-Khassa. Tu t'es converti à sa religion. Après cela, il t'a rendu parmi ceux qui ont suivi la compréhension authentique de la religion. Quand les musulmans sont pleins. Plein de musulmans sur terre. Mais combien sont sur la droiture? Ils sont une minorité extrême. Parmi ceux qui sont les gens de la sunna. Et parmi eux, il t'a accordé d'être de ceux qui apprennent et qui veulent comprendre. Et qui ont. Et il t'a donné justement en plus les moyens d'apprendre comme il faut. Car il y en a plein, ils apprennent aussi. Il y a des moutadiens, ils apprennent. Tu as des gens de l'innovation qui apprennent. Ils vont dans les universités, ils vont dans les écoles, ils ont leurs savants à eux. Tu en as, ils apprennent parmi les gens de l'innovation. Même parmi les gens de la perversion, tu en as, ils apprennent. Les gens de la religion, ils lisent, ils s'instruisent, ils voyagent, ils vont voir tel et tel chir. Mais est-ce qu'ils vont voir les bonnes personnes? Non. Toi, malgré cela, il t'a mis parmi ceux qui sont sur la bonne voie, qui prennent des bonnes personnes en plus. Qu'est-ce que ça mérite, ça? Qu'on le remercie ou pas? Wallah. Donc ceux qui ne remercient pas après tout cela, qu'est-ce qu'il mérite, celui-là? وَمَنْ يُبَدِّ الْنِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ. Que celui qui change un bienfait après qu'Allah lui a accordé, Allah est dur gentiment. وَإِذْ تَأَذْنَ رَبُكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Que votre Seigneur a proclamé, si vous remerciez, je vous rajouterai. Si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment est dur. Donc là, si demain quelqu'un l'a éprouvé, c'est min hikmatillah. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'injustice. Ah, bah. Mais tout ça, justement, ça fait monter l'iman. Wallah, ça fait monter l'iman.